essayer peut-être de sortir de relations qui peuvent être plus dégradantes avec son banquier ou avec le commerçant. Il faudrait dire encore autre chose, et je ne fais que l'évoquer, alors que c'est vraiment fondamental, c'est que le crédit revolving, c'est aussi le crédit soudure à l'ère de la grande distribution. En fait, alors que l'activité de crédit à la consommation, en fait, c'est construite comme un crédit d'investissement pour les ménages, il s'agit d'acheter son frigo, il ne s'agit pas de payer sur sa fin de mois, alors qu'en fait, ça s'est construit comme un crédit d'investissement par une espèce de retour de manivelle, il redevient ou il devient aussi un crédit soudure pour les ménages populaires précarisés des années 90. Alors, je conclue juste sur une anecdote. Chez CTLM, aujourd'hui, on qualifie d'erreur historique les 15% de participation chez Cofidis. Enfin, en tout cas, jusqu'à l'année dernière. Hein, maintenant, je sais pas. Merci beaucoup. Je vois des questions, mais il y en a sûrement moi, d'autres. J'en ai plein des questions, mais... Les questions claires sont roses. Oui, et bleues aussi. Mais je ne peux pas m'en occuper. Bon, déjà, juste pour... parce que c'est pas tant une question que... J'aime beaucoup cette idée du succès de l'impersonnel, ce qui permet un peu de... Parce que tout est super encastré, en BDS, tout ça. Et ça me fait penser à... Et là, enfin, je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser là-dedans et faire des liens entre différentes recherches. Tout à fait d'accord sur le libre-service, en effet. Là, c'est un bel exemple aussi. Et moi, j'ai un autre exemple, c'est dans les... J'ai fait... Enfin, il se trouve que je travaille sur l'entreprise Tati. Et Tati, il innove. Et le succès de Tati tient énormément au fait que il innove l'impersonnalisation de la vente de vêtements dans des bacs, il n'y a plus de vendeuses, pour justement susciter une demande populaire qui est intimidée par la vitrine, la vendeuse, etc. Et en fait, il met le marché à l'intérieur de la boutique, quoi. Et ça marche, on sait le succès que ça. Et je trouve que ça m'a vraiment fait penser à ça, un type d'innovation dans la transaction pour justement désinhiber et susciter la commande populaire. Et ça, je trouve que vraiment, il y a un truc à creuser là-dessus. Donc moi, ça me plaît beaucoup, cette idée. Voilà. Après, j'ai plein d'autres questions, mais ça, vraiment, c'est un truc, je pense qu'il faut même, vraiment réfléchir à ça comme et moi terrain. Aussi, et je suis obligée de laisser en hypothèse, parce qu'en fait, j'ai travaillé vraiment sur l'offre, et ça me gêne beaucoup, et ça m'a beaucoup gênée dans la logique d'écriture, en fait. On sent qu'il faut absolument arriver à trouver... Alors après, sur vos sources, donc là, c'est le côté historien. Archives CTLM, génial d'avoir eu accès aux archives CTLM. Alors, est-ce que vous pouvez un tout petit peu mieux nous décrire ce fonds? Et à la fois, c'est génial, et en même temps, ça oriente... énormément votre propos, je trouve parfois un petit peu trop. Donc là, j'ai d'autres questions sur est-ce qu'on peut pas, bon ça c'est l'historien, hein, mais quand on a un fonds d'archives, vous restez vachement dans votre fonds d'archives. Et alors, j'imagine que c'est pas évident d'avoir accès à ces archives, est-ce qu'elles sont déposées, pas déposées, quelle forme elles ont, parce qu'on a l'impression que c'est des brochures publiées, mais est-ce qu'il y a des archives brutes, est-ce qu'il y a des fichiers, est-ce que... J'imagine en plus les archives des années 80, c'est sous des formes, notamment informatisées pour tout ce qui est... Quel est votre accès à ce genre de matériel et qu'est-ce que c'est que le fonds d'un organisme de crédit aujourd'hui? Enfin, ça me paraît vraiment une belle question aussi pour nous, hein, historiens, de savoir c'est quoi les sources archivistiques. Mais du coup, alors ça c'est la première question, mais du coup, j'y vais carrément, puis il y a comme ça. Du coup, quand même, je pensais évidemment aux recherches qu'a fait Gilles à la Banque de France, mais il manque un peu de puissance publique quand même. Hein. C'est très, très, très... Vous êtes... Et du coup... on a l'impression, à vous écouter et à vous lire surtout, je trouve que, en gros, c'est des petits... en plus, il s'appelle, je ne sais pas, c'est pas maigre, il y a un nom pas possible, type, là. Comment il s'appelle? Malin. Migraine, voilà. Migraine. On a un truc un peu de l'histoire de l'entrepreneur qui arrive avec son petit crédit et personne ne l'entend, puis finalement... Donc, et qui est en fait un point de vue très orienté à l'intérieur d'une institution. Et en même temps, quand même, bon, c'est un truc qui est non seulement national, mais international. Tu reviendras, c'est la troisième partie de ma question. Mais sur le processus de décision, quel est le rôle de la puissance publique? C'est-à-dire, il y a bien des archives, justement. Alors, Gilles avait trouvé la Banque de France, c'est pas complètement la puissance publique, mais même... Moi aussi, quand même. Oui, mais bon, il y a peut-être même d'autres archives dans les ministères, voir les archives de Alain, est-ce qu'il y a des trucs dans le, ce type de comité qui réfléchit à cette question-là, et du coup, il y a des rencontres ou pas, comment ça se passe, la circulation d'informations entre ces différents acteurs, parce que là, on a un peu l'impression à vous lire qu'il n'y a qu'un acteur, c'est le petit type qui arrive avec son super idée, qui n'est pas compris même dans sa boîte et tout, et moi, j'y crois pas trop à ça. Je me dis, il y a quand même eu un processus de décision et de mise en forme que, et c'est, qu'il faudrait creuser là-dedans, pour rester sur le côté de l'offre, hein, sans partir côté demande. Et donc, puis un encadrement juridique. Exactement. Parce que là, on a l'impression que... La loi 83, qui est la loi fondatrice en matière de banque, c'est un tout peu cet aspect qui est pas après dans ce métier. Voilà, tout, exactement. Et puis alors, même, on n'arrive pas du coup du tout à savoir si la puissance publique, ou l'État, je ne sais pas comment l'appeler, mais est-ce qu'elle suit? Parce que là, on a l'impression qu'en gros, ce serait des suiveurs, d'initiateurs. Est-ce qu'elle initie? Est-ce qu'elle encourage? Est-ce qu'elle restreint? Il est totalement absent, et c'est pas, on est quand même dans un marché, enfin Gilles le montre bien, d'institutionnalisation, d'étatisation. Donc du coup, ça manque quand même drôlement. Et du coup, je me demandais, ça c'est encore donc, ouvrir le truc archivistique à d'autres types de sources, et aussi ouvrir à l'international. Parce que, alors moi je suis une grande, je suis hyper endettée, donc j'ai tout eu, les cartes Cofinoga, les machins, les crédits, revolving, voilà. Mais j'ai commencé ça aux États-Unis. Non mais c'est très mal ça, donc c'est comme ça. Non, mais j'ai commencé aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, dans les années 90, tout le monde avait 5 cartes de crédit. Et là, je découvrais la possibilité d'avoir... Et du coup, je me posais une question sur une histoire transnationale de la circulation des modèles de crédit. Et là, vous le posez... C'est un autre acteur, mais l'international, il joue, quoi. C'est pas juste en France un petit entrepreneur migraine qui arrive, etc. Il y a quand même des processus qui font que dans un... Il y a eu des circulations, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut voir justement des formes nationales? Est-ce que crédit revolving, rien que le mot le dit, c'est pas très national. Du coup, comment ça se passe? Enfin voilà, c'est ça, je trouvais que ça manquait un petit peu là-dessus. Enfin, ça, c'est mes questions, mais voilà, peut-être... Je sais pas petite si... question. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, elles n'ont peut-être pas toutes des réponses. Ouais. Mais je ouais. Là, on fait tout. On peut faire un peu question-réponse. Ouais, ça vous permet de souffler, parce que sinon, ça va être la mitraillette. Déjà, là, c'était un peu mitraillette, je suis désolée. En fait, d'abord, la question la plus simple, enfin, qui me paraît la plus simple, concernant les archives. En fait, j'ai fait des entretiens chez CTLM par des effets boule de neige, parce qu'au départ, je voulais interroger les cadres supérieurs et dirigeants de ces établissements. Et voilà, et un des premiers entretiens, on me dit « Ah, mais il y a ce fond, il y a personne qui l'utilise, pourquoi est-ce que vous n'y allez pas ?» Et en fait, très simplement, j'ai juste contacté la personne, et puis voilà. Alors, en tant que sociologue, en fait, je n'avais jamais encore été amenée à travailler sur des archives. Et en plus, ça a été classé d'une façon vraiment... pas professionnel, rien système d'archivage qui a été fait, mais incomplet, c'était un peu de façon thématique ça a été fait, et avec une personne du service de communication qui était un peu mis au placard dans ce truc. Et je commence et on me dit. C'est toujours le cas, non, mais ça s'appelle les archives d'entreprise. Hein. C'est ce qui permet qu'elles ne soient pas jetées, donc c'est bien. En ce qui concerne. Au lieu de mettre à la retraite, on le met aux archives. Ça s'appelle un placard. Ouais. Ah oui. Et en fait, je m'aperçois quand même qu'il y a une volonté d'archivage qui est ancienne. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des entretiens dactylographiés d'acteurs des premières années où on leur demande racontez-nous comment ça va, pour le service d'archives, comment ça se passait quand vous alliez voir les commerçants, ou on demandait ça aux commerciaux des années 50, etc. Dans les années 70. Donc il y a quand même y a une volonté qui n'était pas du tout systématique ou professionnalisée, mais il y avait une volonté qu'il faut garder des traces. Mais quand j'y étais, en fait, quelques semaines après, CTLM avait décidé de tout mettre dans les cartons pour gagner de la place parce que ça ne servait à rien. Et donc, en fait, j'ai été vraiment prise de court. Et en fait, ensuite... Mis dans les cartons pour en faire quoi? Voilà, donc ils ont été mis au pilon. Ah. Oh. Et j'ai appris ça par Sabine Efos, mais alors moi, je me disais, je vais écrire une lettre, je vais aller voir le président, etc. Pour me dire, non, surtout pas, ce sera arrangé, etc. Puis en fait, c'était, Sabine m'a dit que ça avait été mis au pilon. Voilà. Et qu'aujourd'hui, ils s'en mordaient les doigts, ils disent qu'ils n'auraient pas dû. Mais il y a un an, deux ans. Il y a deux ans, je pense. Et, ou trois ans. Et donc, en fait, j'ai pas eu le temps de faire un boulot non plus extraordinaire. Mais en fait. Alors, donc, quand même, ce que vous avez vu, c'était quoi comme type de. Alors, il y avait énormément de brochures, énormément de rapports internes ou de rapports de consultants sur l'état du crédit à un moment donné. Moi, j'ai utilisé en fait surtout les notes qui étaient faites, qui retracent l'évolution du projet de création d'entreprise, les bilans d'activité. Puis les journaux internes, voilà. Et puis voilà toutes les brochures qui sont produites par des services à un moment donné. Mais en fait, moi, je me sentais extrêmement démunie aussi parce que voilà, on arrive, il y a plein de choses mal classées. Je sais pas exactement ce que je cherche. Donc, bon, j'ai fait ce que je peux et j'étais vraiment peinée par cette chose. Voilà. Après, en ce qui concerne la puissance publique, en fait, quand j'ai commencé ma thèse, j'avais une espèce d'ambition vraiment de tout faire. Et donc, je me suis lancée vraiment dans tous les sujets, dans toutes les façons de l'aborder, parce qu'il me semblait qu'il y avait. C'est vrai, il n'y a pas énormément de littérature, et il n'y en avait pas non plus en 2005, quand j'étais. Voilà. Et je suis partie un peu dans tous les sens où, quand je sentais que je pouvais avoir un accès pour aller voir les interactions marchandes, parce que du coup j'avais de bons contacts avec un directeur d'établissement, j'ai foncé sans savoir exactement ce que j'allais en faire, mais parce que les questions d'accès au terrain, c'est quand même assez compliqué. Mmh. En sociaux, puis sur ce sujet aussi, c'est compliqué. Du coup, y a des aspects qui sont clairement pas suffisants dans ma thèse, alors je m'en sors et dans l'article, et j'utilise l'article. Pour parler d'encadrement, en fait, j'utilise d'autres articles comme celui de Gilles ou d'Alain Chatriot ou d'autres, mais c'est pas suffisant, je le sais. Et alors, dans ma tête, j'ai dit qu'il faudrait vraiment comprendre, enfin expliquer en quoi en fait la loi c'est un rapport de force aussi et elle comprend les évolutions. Surtout, c'est-à-dire que là, à chaque fois, c'est un peu. Centrer d'un côté, c'est-à-dire que ce serait intéressant de voir si ces gens se rencontrent ou pas, comment est-ce qu'il y a des la circulation quoi, des choses. Et alors, le président de CTLM, historique, enfin, je veux dire le premier, lui-même, en fait, c'est un ancien inspecteur des finances, et dans ses mémoires, en fait, on voit qu'il était lié, qu'il arrivait à faire pousser les. Ouais. Bon, mais en fait, il faudrait vraiment un travail beaucoup plus systématique que j'ai fait, et en fait, j'ai aussi pour me défendre, pour m'excuser. En fait, c'était difficile d'écrire cet article parce que j'avais le sentiment de devoir donner tellement d'informations pour pouvoir arriver à ce que je dis, que en fait. C'est pas du tout sur l'article. Moi, je pensais vraiment des questions en termes de perspective de recherche par rapport à ce que vous en êtes. C'est pas. Et du coup, j'ai eu du mal à écrire Voilà, donc c'est sûr, en fait. Et puis, j'ai fait quelques entretiens. À la Banque de France et au CECEI, je ne sais même plus ce que ça veut dire, ce genre de choses. Donc j'ai des éléments, etc., que j'ai même pas complètement exploité parce que j'avais plein de pistes en tête à chaque fois que j'ai fait des entretiens. Et finalement, en fait, j'ai essayé de donner quand même un peu de cohérence à ma thèse, malgré tous ces éléments disparates. Voilà. Et quant à l'international, c'est vrai que je l'aborde peu. Et puis là, c'est aussi une logique d'écriture ensuite qui m'a poussé à tellement préciser mon propos, mais en fait, quand CTLM lance le Crédit Revolving en 65, en fait, il a un cadre supérieur qui en fait travaille au Canada et en fait qui importe ce qu'il a vu au Canada pour l'adapter au Google Lafayette qui se pose des questions parce qu'ils veulent transformer leur carte de fidélité. Donc voilà concrètement comment ça se passe. Et autrement, j'ai présenté l'histoire transnationale du crédit sur les modes d'importation des permis de crédit. Ça aussi, en termes de perspective, je trouve que c'est vraiment une perspective avec justement essayer de le cerner comme ça. Quoi. Si en plus c'est porté par carrément des gens. Et sinon, le rapport fondateur qui est perçu comme tel aujourd'hui de cet élève s'appelle le rapport Meurat, qui en fait est un voyage d'études où on a envoyé M. Meurat aux États-Unis, aller rencontrer les acteurs, et puis il décrit ce qu'il voit, le crédit par les commerçants financièrement impliqués dans la responsabilité de leurs clients, etc. Et puis voilà, donc ça j'en parle aussi, pas là, mais j'en parle. Mais c'est pareil, oui, c'est une perspective aussi très intéressante. Aussi parce que les hypothèses que vous faites qui sont quand même vraiment intéressantes sur la demande, on peut penser qu'elles marchent un peu en tout temps et en tout lieu, et en même temps on ne sait pas trop, donc ça serait intéressant de voir s'il y a des études sur ces questions d'impersonnalité, par exemple sur comment ça marche aux États-Unis. Moi j'ai juste présenté une fois en fait aux États-Unis, c'était pas ça, mais bon, on peut dire que c'était... Mais en fait j'ai eu des gens extrêmement surpris. Vous ne voyez pas du tout, et en fait j'ai l'impression de venir d'un pays complètement exotique. C'était un moment très particulier, mais aussi qui m'a justement... Vous ne voyez pas du tout quoi? C'est une question d'impersonnalité, qu'on ne comprenait pas. Pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi est-ce qu'en fait c'était tellement révolutionnaire de proposer un crédit révolu, et pourquoi c'est pas un acteur bancaire? Et même en fait, ils m'ont dit pourquoi ça s'appelle revolving alors que j'utilisais leurs mots, et du coup j'étais complètement. Il y a beaucoup d'anglicisme qui n'existe qu'en français. Bon, là c'est pas à ce point-là, mais peut-être qu'il est beaucoup moins compris. D'après ce que je comprends, en fait, c'est une fonction des cartes de paiement ou des cartes de crédit qui n'est pas considérée comme un produit spécifique aux États-Unis. Donc en fait, l'idée que ça devienne en fait un cœur d'activité d'une entreprise. Ils étaient vraiment complètement surpris, et que les gens donc allaient vers elle, vers cette entreprise particulière, et pas leur propre. En fait, il y a une grande incompréhension, mais qui était source d'enrichissement mutuel peut-être, mais qui me pose la question de ce qui est spécifiquement français dans cette histoire-là. Est-ce que c'est pour des histoires de réglementation, même si c'est par de façon très indirecte, de réglementation ou de levée de réglementation avec derrière la réglementation, bien entendu, des mentalités répugnance bien spécifique au crédit qui peut avoir, qui est un peu française, mais pas particulièrement. En tout cas, comparé au monde anglo-saxon, c'est certain que... C'est ça, des représentations de choses, ou des pratiques d'achat aussi différentes qui permettent différemment d'asseoir tout sur la carte du magasin, j'en sais rien, mais... C'est vrai que la comparaison serait bien intéressante. J'en profite juste pour faire la pub pour la séance du 16 mars, parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais il y a Judge Lauer qui vient et qui travaille en tout cas sur la mise en place du crédit de la consommation aux États-Unis. On est très très contents qu'il puisse venir. Et justement, avec plus une approche représentation, culture du crédit, dès l'entre-deux-guerres et tout. Donc, nous, on attend pas mal. On verra bien, peut-être qu'on va... On ne sait pas parce qu'on n'a pas lu encore, mais en tout cas, le sujet est vraiment intéressant parce qu'on n'a pas de littérature là-dessus. Et de façon peut-être absurde et en tout cas lointaine, cette histoire de quand les gens sont en gros vraiment pauvres, pour le simplifier outrancièrement, ou se sentent vraiment dominés, finalement ils préfèrent de l'impersonnel, ça me faisait vachement penser à ce que dit Laurence Fontaine d'une certaine façon, sur le fait que pour obtenir du crédit par du relationnel, par de l'insertion, il faut en fait déjà être au-dessus d'un certain niveau, et je pense que plus largement, beaucoup de choses qui jouent autour de ces histoires de confiance dans les personnes, confiance dans les institutions, sur d'autres périodes historiques, c'est un peu sur ça. Parce qu'une partie des gens qui ont beaucoup râlé sur la notion de confiance et son usage pour parler des périodes anciennes, comme Sheila O'Givy, elle dit en substance que bon, c'est bien qu'il y ait de la confiance dans les institutions aussi pour les gens qui n'ont pas de ressources en termes de confiance dans les personnes. Donc on pourrait vraiment le relier à des terrains beaucoup plus lointains pour voir si ça fonctionne ou pas, et notamment si vous appelez la même chose personnel ou impersonnel. Je trouve ce qui est intéressant là, c'est qu'effectivement on peut difficilement penser quelque chose de plus désencastré. Finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que le scoring, il est quand même fondé sur des informations personnelles, qui sont les informations personnelles minimales qu'on donne sans le vouloir, comme le fait de téléphoner par rapport à passer par internet, si j'ai bien compris. Et puis certaines qu'on leur demande quand même, genre le nombre d'enfants ou... mais qui ne sont pas perçus comme un jugement moral, quoi. En ayant fait des observations dans les établissements de crédit, qui me semble, c'est que les gens sont... En fait, ça dépend, parce que quand on... si vous êtes sur les produits crédit, on vous posera beaucoup plus de questions que si c'est dans un magasin. Parce que dans un magasin, le crédit est fondu dans un autre produit, c'est qu'il y a une carte multiservicielle, on ne connaît pas exactement quelles sont les intentions de la personne. Et ce serait malvenu de poser trop de questions à une personne qui ne se rend pas compte qu'elle souscrit un crédit Revolut. Par contre, par téléphone, on peut poser toutes les questions possibles, la marque de votre voiture, votre ancienneté, alors même que vous avez un crédit Revolving de 2000 euros. Quoi. Donc, et vous êtes obligé de répondre pour savoir si vous avez droit, si vous avez droit d'acheter ce produit, ce qui est tout à fait particulier comme relation, relation marchande. Et ce qui me semble, c'est qu'il y a beaucoup de violence symbolique et beaucoup de surprises aussi de la part des clients qui sont engagés dans cette relation sans avoir trop compris qu'on allait leur poser autant de questions, etc. Mais en fait, le fait que ces relations restent cloisonnées, je veux dire, on vous demande beaucoup d'informations, mais finalement, l'employé, vous n'allez pas le recroiser, il ne va pas en... Le fait qu'en fait, c'est très cloisonné, en fait, c'est ce qui sauve quand même la relation. C'est ce qui fait que... les gens, je pense, continuent à appeler. L'idée, c'est que on me demande beaucoup d'informations, c'est pénible, mais en même temps, ces informations, mes proches, je ne dois pas en faire état à mes proches. Donc, Non, à ce propos, effectivement, sur le désencastrement, je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors là, je parlais un peu d'expérience, mais effectivement, il y a toute une population, et il y a même... Justement, la question qu'il faut peut-être se poser, c'est est-ce que c'est propre à une population peu argentée, ou est-ce que c'est pas plus large? Il est possible que ce soit bien plus large. Il y a une espèce de réaction assez courante, je veux échapper à un système trop personnel, j'ai mon affaire à moi. Alors ça, c'est une question. Mais, voilà. J'avais d'autres questions, mais pour continuer sur les institutions, l'énorme différence que vous notez pas de façon explicite, mais l'énorme différence entre une banque de détail, enfin ma banque personnelle et Cofidis, c'est que ma banque personnelle gère à la fois mon actif et mon passif, c'est-à-dire elle sait quels sont mes revenus, elle a des scoring automatiques à partir de mon compte en banque, même si elle n'a pas le droit de collecter des informations personnelles sur mon compte en banque, en particulier les débits de ma carte de crédit. Elle n'a pas le droit théoriquement, en tous les cas, elle peut obtenir énormément d'informations sur mon comportement et mes revenus. Et donc, elle prendra une décision, si je demande à ma banque personnelle un crédit, elle prendra une décision en fonction de ce qu'elle sait de moi, et elle sait énormément de choses. Énormément. Et d'ailleurs, elle demande les relevés bancaires, justement pour... Non, Cofidis, non. Non, mais la banque personnelle, oui. Pour accorder... Elle demande ça comme information quand vous souscrivez un prêt, justement, même dans... Il demande tous les relevés bancaires, parce que comme pour surveiller. Ce que je voulais pointer simplement, c'est le fait que les ce que vous appelez les sociétés financières établissements spécialisés de crédit, eux, ils ne gèrent qu'une partie de la chose, c'est-à-dire qu'ils ne savent rien sur moi, donc ils sont obligés de m'interroger. Et effectivement, c'est ça qui dépersonnalise. En d'autres termes, je ne suis pas dans un dialogue où je suis soumis non seulement à un employé qui en sait beaucoup sur moi et que je sollicite, mais je ne fais qu'une demande anonyme à un employé anonyme qui ne sait rien sur moi, et donc c'est moi qui lui... Donc ça, effectivement, il y a une différence statutaire entre les deux qui est conférée par la loi, d'ailleurs. Cofidis et TLM ne font que du crédit d'une part, et d'autre part ne se refinancent que sur des marchés, donc ils ne gèrent pas d'épargne de leurs clients. C'est une énorme, différence, ce n'est pas le cas du tout dans le monde anglo-saxon. Oui, juste pour répondre à votre question, en fait avec l'enquête patrimoine, j'ai essayé de voir en fait si on pouvait se dégager des logiques sociales d'endettement pour les ménages à différents niveaux sociaux. Et donc j'essaie de voir pour les motifs d'endettement identifiés comment font les gens. Donc je ne compte pas, il ne s'agit pas de montant de crédit, parce que je me suis dit que les montants étaient extrêmement liés aux niveaux sociaux, il s'agit juste de type de crédit, type d'acteur, banque ou établissement spécialisé, et motifs d'endettement. Et en fait, on voit qu'il y a des motifs d'endettement pour lesquels en fait, les ménages populaires ont des stratégies, enfin des logiques d'endettement qui sont assez proches. C'est-à-dire quelqu'un qui s'endette pour sa voiture, peu importe son niveau social, en fait il va faire un crédit affecté, voire un prêt personnel, mais c'est un crédit affecté. Par contre, il y a des motifs pour lesquels en fait, on observe des stratégies bien différentes. Alors, le plus évident, le qui se dégage le plus évident, mais en fait, l'intervalle de confiance, il est trop important par l'échantillon, donc c'est les vacances. Si vous prenez un crédit pour les vacances, ménage populaire, c'est revolving, les autres, et au plus on monte, c'est du prêt personnel à la banque. Mais sinon, en fait, celui-là, en fait, c'est, comme il est, les effectifs sont assez importants, j'en parle pas. Mais, par exemple, les fins de mois difficiles. Et là, en fait, on voit qu'il y a des. En moyenne, en fait, les. Alors voilà, on a typiquement donc, les classes populaires, le revolving des établissements de crédit, cadre, c'est la banque, le prêt personnel, ma banque. Et on voit des choses comme ça qui se dégagent et qui sont. Alors, il n'y a pas. J'ai pas la comparaison découvert, oui, c'est revolving. Enfin, ouais. Je l'ai un peu, mais je ne l'ai pas fait assez. Parce que finalement, je ne l'ai pas utilisé. Mais en fait, on voit que les gens, ils ont les deux. Mm-hmm. Découvert revolving, voilà. Mais après, parce que je trouve que c'était pas. Les questions n'étaient pas assez. J'arrivais pas à comprendre si on l'a, si on l'utilise. Enfin, je me souviens plus très bien. J'ai plus le truc en tête. Mais au final, j'ai pas utilisé cette donnée-là. Mais. Donc, je crois que si. Pour répondre à la question, si le cloisonnement il peut être souhaité par tout le monde, et surtout dans certains cas, je crois qu'il est. Le cloisonnement ou l'impersonnalité, moi je crois vraiment que c'est quelque chose des classes populaires. Maintenant la question c'est dans quelle mesure c'est parce qu'il est contraint, après avoir épuisé les autres solutions, qu'il en vient à souscrire à Ecofidis. Dans quelle mesure donc c'est un acte volontaire ou alors en fait c'est après avoir échoué. Et puis après avoir échoué, est-ce que c'est de l'auto-exclusion, est-ce que c'est des demandes formelles de crédit. Et ça c'est des choses que je ne peux pas départir avec mon enquête. Et c'est une grosse limite aussi mon travail. Hein. Est-ce que je prends un crédit revolving chez Ecofidis à 20% parce que j'ai pas eu mon prêt à 6% à la banque. Parce que je crains qu'on de ne pas l'avoir. Parce que je crains de ne pas l'avoir. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, essayer. Ouais. Ouais. Voilà, donc c'est. Donc, pour ça, c'est un tout autre travail. C'est en fait. C'est une trajectoire de crédit. Trajectoire. Je trouve que c'est vraiment. Et alors, j'avais une autre question, alors tout à fait différente. C'est la partie. D'ailleurs, vous le dites. En fait, c'est TLM a travaillé avec Ecofidis dans sa création. Et donc c'est TLM, l'aide à scorer, et l'aide sans doute au recouvrement. Alors, et l'aide sans doute à traiter les volumes, peut-être sur le plan informatique. Mmh. Voilà. Donc il y a deux. Donc ça me paraît être un point important, parce qu'il y a une technique que TLM domine, il y a une. Dans trois domaines, donc notamment le recouvrement qui est tout à fait essentiel. Qu'il faut aller extrêmement vite et avoir des réactions de réaménagement des néo-solités. Alors, il y a deux points. On s'aperçoit que sur l'industrie, c'est cet élément qui doit toucher d'ailleurs des coms confortables. Ça se paye très cher. Et d'autre part, Cofidis est derrière lui, en fait, trois Suisses. Lui a joué une stratégie d'investissement sur un nouveau métier, hein, sur un nouveau domaine, mais avec un métier qui était dominé par cet élément. Et donc ça serait, j'espère que vous en parlez de votre thèse, mais ça me paraît tout à fait fondamental, parce que c'est l'industrialisation. En plus, traiter du petit crédit comme ça, c'est très cher, donc il faut une industrie remarquable, une informatisation remarquable. Et vous en parlez alors ils n'en parlaient pas beaucoup. Là, je dis juste qu'en fait, Migraine est un ancien cadre de CTLM, mais c'est vrai que l'informatique et le scoring, ça vient de CTLM, qui est en fait réalisé l'activité pour trois Suisses auparavant, donc juste on change d'entité juridique. Et CTLM, quand il commence dans les années 50, il se justifie aussi d'une prise de position sur le petit crédit, c'est le petit dossier. Et donc on trouve dans les discours des. Ah oui, il y avait ça aussi comme type d'archive, les discours qui ont été prononcés par le PDG par exemple. Et donc c'est le client du petit dossier, tous les problèmes que ça pose. Il ne rembourse pas au jour, il rembourse dans les 10 jours, quoi, autour de la date, etc. Et déjà c'est une prise de position sur le fait que c'était même c'est du petit dossier par rapport au métier, qui à l'époque c'est l'automobile. On voit bien ce que c'est que le crédit auto. Nous, on va faire la même chose pour l'électroménager. On nous dit que c'est trop cher, mais c'est parce qu'en fait, on ne comprend pas que c'est lié au montant, que c'est du petit dossier, etc. Et en fait, on a une récurrence du discours entre les années 50, d'une certaine façon, entre les années 50 chez CTLM et les années 80 chez... Mais cela dit, pourquoi c'est conféré par la loi ? Oui, mais excusez-moi, je reviens. Oui. Ce qui me paraît important, c'est toute la partie industrielle. Donc, voilà, parce qu'il faut développer cette partie-là qui est le métier. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire que Trois Suisses et Cofidis n'auraient pas existé s'il n'y avait pas l'industrialisation de ces télés. Par contre, eux ont eu le culot.